Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Sur le 96.2, si vous venez nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 16h30 hein, pour votre émission Groove Tropical. Un groove tropical, eh bien, avec plein de souvenirs cet après-midi. Des souvenirs comme vous aimez. Souvenirs, souvenirs zouk, hein, souvenirs compas. Et puis des nouveautés, bien entendu, pour votre plaisir. Allez, on continue comme ça sur le 96.2 pour un duo. Le duo du carnaval, pourquoi pas. Monsieur Harley Larivière avec. Et ben voilà. Michel Martini, excusez-moi. Ça fait longtemps que j'attendais, y'a des émeux géniaux. Seul fou pour faire ses dits, tout ça que moi senti. Est-ce que c'est un défaut, ou bien signe de faiblesse? Le mot choisi baiser, t'as dit ma moué à lui. Nous faisons, ça passe en privé. N'a pas gardé, un couillon à bouger. Nous faisons, nous passons en privé. Nous connaissons bien, de tout gagner, mais qu'il dès qu'il s'agit de moi, y'en voyons insensé. Irresponsable, le monde sans foi ni loi. C'est une simple façade, moi toujours exposé. Quand c'est un insouciant sur ma défensive. Bien moins décidé, faire une confidence. Moi c'est un monde sensible, même chargé compassion. Mon triste vérité, non, ton nom pas ignoré. La saison des revers, on s'envoie le vent. Nous battons, ça passe à briver. N'a pas gardé, un bouillon à refluger. Nous battons, nous passons à briller. Nous connaissons bien. Oh, mwen bat kontan bou doudou. Ya yon pa kay la mou anou pa ni pongou. Pou nou, an prefere ekarte mwen. Pani l'impression nou pa kompatib. Ou sa avan j'ave pizye tentatif. Non non non non, an pa fonte mwen. Sou se pi bel kreatif. Pa kapre pou dot alternatif. Yeah, an lase le fes yon siel. Ou mwen kè an kè an pa ni l'étincel ankor. An sa fou an la. An prefere éloigne mwen. Hey, mes vies à nos boutiers. Et si ça arrête pour vous, on s'arrête pour nous. Dans notre émission tropicale avec Jimra, bien sûr, les meilleurs titres de Jimrama sur un album qui s'appelle Up That, qui vient justement de sortir. Jimrama qu'on retrouvera tout à l'heure avec un autre titre sur le 96.2. Votre émission groupe tropical sport, il est facile de me parler avec un masque. Désolée. Ça me perturbe. Allez, restez bien calés sur le 96.2, mademoiselle Lissy Nice. Tout est flou, sauf pour nous. après ce soir, j'attendrai que ton sommeil soit lourd. Je m'en irai sur le tard, bien avant que le soleil soit rouge. Je ne verrai plus après ce soir, j'attendrai que ton sommeil soit lourd. Miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Je m'imagine dans tes bras, de ma remarque. et j'en suis convaincu. D'après ce qu'on m'a dit, elle a bien déconné. On dit avec elle, tu peux plus décoller. La reine de la piste, elle a sa renommée. Ce n'est pas une idiote, elle est diplômée. Rien de loin d'un aligné. Elle est si belle que l'on ne peut le nier. Il y a des scènes et je suis approprié. Cette fille me donne envie de me marier. Il n'a pas lu que l'on n'est pas plus pour que je tombe sous son charme. Allez, à parole. Juste une danse, et elle s'est accaparée de mon âme. La connexion entre nos corps ne fait que devenir plus fort. Non-stop, elle se donne encore et encore et encore. Car elle aime Lina, Lina Boé. Lina Boé. J'aime quand elle danse comme ça. Bina bina boé, bina boé, bina bina boé. J'aime quand elle danse comme ça. Ça c'est clair contre nos motos et Belly. Tu n'es qu'une seule envie, c'est d'être son mot Bali. Et on dirait que chaque mélodie nous unifie. Alors ma chérie, on va danser jusqu'à minuit. Ma, she's so fine, fine. What she trying to do is just grind, grind. Tu sais qu'elle a plein de prétendants, mais je vais tout faire pour qu'elle soit mine, mine. Il n'a pas dû pour l'instant, pas plus pour que je tombe sous son charme. Allez, à parole. Juste une danse, et elle s'est accaparée de mon âme. La connexion entre nos corps ne fait que devenir plus fort. Non-stop, elle se donne encore et encore et encore. Car elle aime Bina Bina Boé, Bina Boé, Bina Bina Boé. J'aime quand elle danse comme ça. Bina Bina Boé, Bina Boé, Bina Bina Boé. J'aime quand elle danse comme ça. Fácil. fatigué, j'apprends deux ou trois coups. Ouais, allez coucher, Samy, endormi, endormi, endormi, endormi, endormi. Moi qui parle la raison, endormi, moi pas te savoir. Chat, et puis rentre à complocité à Gaza, moi. On va coucher, moi. Moi pas te savoir. Chat, et puis rentre à complocité à Gaza, moi. Gaza y est bon, moi. Soumets la fin coupée. Tellement belle, c'est une solution qu'a bien

ta position. Tu es entre deux idées. Moi je suis en mode full proposition. Tu réclames juste un peu d'attention. Attention, je suis déterminé, motivé, détonateur, émotionnel. Donne tes dispositions car la suite risque d'être sensationnelle. Je donne un avant-goût, plus qu'un week-end entre nous que toi et moi avant tout. C'est à vous de décider, yeah, yeah. Je te donne un avant-goût, plus qu'un week-end entre nous que avant tout, c'est à vous de décider, yeah, yeah. Et si la vie me lance un défi, je l'enlèverai sans aucun souci. Si c'est le temps qui me fait défaut, je le remonterai s'il le faut. I don't wanna be without you, girl. Plus qu'un week-end entre nous que toi et moi avant tout. C'est à vous de décider, yeah, yeah. Je te donne un avant-goût. Plus qu'un week-end entre nous que toi et moi avant tout. C'est à vous de décider, yeah, yeah. Se réunir c'est un bon début. Rester ensemble serait un progrès égal. Réussir à tenir debout, mener notre aventure bout à bout. Girl, I don't wanna be without you, girl. I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be without you, girl. Je te donne un avant-goût, plus qu'un week-end entre nous, girl. Toi et moi avant tout. Avant-goût, plus qu'un week-end entre nous que toi et moi avant tout. C'est à vous de décider, yeah, yeah. Ce ne sont que mes idées, mais je ne suis à vous de décider, yeah. Si oui ou non j'ai mérité, mais dites oui sans hésiter, yeah, yeah. Ce ne sont que mes idées, baby girl, à vous de décider, yeah. Si oui ou non j'ai mérité, mais dites à vous de décider, yeah, yeah. You and I need you so hard. I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be without you, girl. C'est pas des fausses égalités, si le mais bye bye bye, ma ramène elle va critiquer, c'est du fait choix, choix, choix. Ou pas fait vagabond, elle est dit ce qui pas l'attention, mais pas la satisfaction. Oui, chouchou, pas l'offre dans toute position, il passe au fruit pour affection, pour libre qu'à faire des potations. C'est pas des fausses égalités, si le mais bye bye bye, ma ramène elle va critiquer. C'est pas des fausses égalités, si le mais bye bye bye, ma ramène elle va critiquer, c'est du fait choual choual choual. T'as pas soldat qui n'a mission, pas tiré de la précaution, pour bien des bavines balissons. Oui, chouchou, qui qu'a fait nous dans la discussion, mais t'es dit qu'elle nous sous tension, la guerre n'a posé telle ou question, mais l'amour nous n'a confusion. Faire sa la veille, maïs, faut faire, faire, faire. Harmony, la FM en couleur. Danser, couper. C'est mon mari, je sais. Ça te fait mourir, je dis. Assez qui est amour, fais la petite en état en temps. Si c'est l'idée, fais le soleil, les mêmes des matins. Ma bébé, mon Dieu, mon premier chez absolu.

De placer, tengo ganas de estrechar tu cuerpo y sentirme dentro de tu piel, atrapar tu cuerpo en un segundo, despertar tu instinto de mujer. Tengo ganas de que una mañana tú estés en mi cama desnuda, mujer. Tengo ganas de tener contigo una noche entera de placer. Tengo ganas de robarme un beso de tus labios con sabor a miel. Tengo ganas de amarte en silencio como ama un hombre a una mujer. Tengo ganas de hacer tantas cosas, quitarte la ropa, verte enloquecer. Tengo ganas de tener contigo una aventura loca. Confieso que al besar tu piel tu imagen me provoca. Asaltarte cada anochecer, retenerte hasta el amanecer. Tengo ganas de que una mañana estés en mi cama desnuda, mujer. Tengo ganas de tener contigo, mujer, una aventura loca. Tengo ganas de pegarte un beso, me tienes loco con eso. Tengo ganas de tener contigo, mujer, una aventura loca. Empezar acariciándote la piel y terminar quitándote la ropa. Tengo ganas de tener contigo, mujer, un homme solide, un homme qui kiffe faire plaisir, car à sa guerre on nous sensible. Si j'en meurs tout est timide, non, non, ma fille, faut pas en courir. Savez, c'est comme ça, moi je fais mon mensonge. Moi pour mettre tout sincérité, ma faveur pour l'éternité. Bible c'est la place moyenne, bon côté où c'est la boule. Nous pas continuer à rêver, ni dans la gueule cachée. Faiblesse, je vis dans les promesses. Ça paye, you play the game.

dos. Nous on avait pris l'habitude d'aller voir ailleurs pour nous en penser. T'as changé d'attitude. La routine nous empêche d'avancer. Sur TikTok, tu publies des vidéos. Moi je me sens derrière le barreau. Je veux qu'on se perde dans la foule. Avec la musique qui guide nos pas. Oublier ce qu'il y a autour. Je ne vois que nous. I wanna hold you tight. On a tight, on a tight. Turn off the light, no, turn off the light. Wanna hold you tight. On a tight, on a tight. Turn off the light, no, turn off the light now. On finit. I hit the club cause I had enough. I might get 2-3 bottles or more. Get the right spot on the dance floor. I won't let go, I won't let go. No need to rush, we got all night. We might get freaky right here, yeah, who knows. I'm gonna hold you like it's our last time. And I won't let go, no. I wanna hold you tight, turn it tight, love it tight. Turn off the light, now turn off the light. Wanna hold you tight, turn it tight, love it tight. Turn off the light, now turn off the light, now. Confine, confine. Amor, fazer com o Maracá. O Guaibê, o Guaibê, o Guaibê. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Travail moi train tout fatigué, mais fin des habits m'baye pour mal marcher. Les bonnes nouvelles pour bon moi, qui pas trembler tout le monde. La pensée de sérieux m'ti chéri moi sur ça. Et si m'gèle approche et s'il pas t'im sa kounia. Des bons modèles pour qui ça. Le tir. J'ai pas qu'à capitaine, mon connaît son capitaine. L'engouement de sa vitesse. Mais si vous allez pas faire sa flèche, ça fait longtemps de m'aller. Ça fait des fois il manquait. Quand pour voir l'homme est limité, ma blague est sale à l'ébranger. Oh oh, les tout des contrôles, les mailles mouées. Gado mauvais news, les bains mouées. Les femmes frères, les femmes chaudes. Je demande à ce qu'elle est sérieux. Parce qu'elle pense que c'est jouer la jouer. Les garder. Et puis le crier. Je n'ai pas qu'à faire plus tard. mes sacrifices. Mes souvenirs me font sans fiche. Ça fait longtemps que je sans mes défauts et moi qu'elle. Quand pour voir l'homme est limité, ma plaque est sana, le bon Dieu. Listen carefully. Blessé, ou sans état. Faut réfléchir dans la vie ça. Ou pas s'en trouver toi pour la jour. Ou faire n'est la face de famille. Et pourtant c'était ménage ou. Ou t'étais pas qu'on dirigeait. Pourtant c'est où t'étais léger. Marcher à bander tout tes régènes. Tout ça ou fait bio là ou à payer cher. Tellement bon bim, vélo, bilolo. Toujours sous bataille, sous mes kimonos. Sous parole en ville, sous délimélo. Après des hommes qu'on y ont fait des numéros. Dans mon coulé, pour bateau Titanic. Tout nos démons, esprit satanique. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Mais je sais juste le prix, c'est mon nigga. Jonathan, Jonathan, Canis, Canis. Ça a été triste, pour un moment, on avait envie de vous quitter l'aller. Dans mon moment, les sacrifices. Le mal je programme rentrer ça, les dit fait exprès. Il dit m'irait même, c'est vrai même pas par respect. Ils vont changer la vie avec tant que ça pousse mal excès. Même pas chercher raison, mais je cherche les problèmes non. Ou c'est mon capi comprendre moi d'ailleurs nous dans même domaine non. L'un pas dis, pas date, ils font tal oui. Ils rêvent fâché, les lois me vidéo à baki. T'as fâché d'oui. On met pour y a viré d'ol. Vous m'y s'est fâché pour tête, les ouais ma bonne vidéo. Calis font si calme, considéré fini d'eau. Mais il me manque, putain, pas vélo, la cherche en vidéo. Qu'est-ce que vous comprenez, ça c'est déprimé. Si ou remet mon nan tout bon c'est les coups réprimés. Irez les métoiles, tout à l'y pas même ça. Faut t'as fait un choix, un amour accès là. Ça dis, pour un moment, n'a rien, on est pour quitter l'aller. Dans mon moment des sacrifices, fils, pour un moment, n'a rien, on est pour quitter l'aller. Oui, pas de problème, tout pour t'as fait, il est, mais c'est pas de bagaille, que mon nan blabo. Le roi fait tout ça, mon nan va rêver, mon bagaille dans l'île, et qu'elle a pas la mort. Franchement, ça dis, Ensemble nous tapons, passion famille. Qu'on y a moins wobble et prenons l'autre direction. C'est dans le dialogue, nous cabine bis amis. Ou pas voulez pas la veine, débouguer trop discrétion. Ou elle fait mais ou qu'à comprendre ça, ma p'tit la zami. M'a prendre des boules tournées, juste parce que moi connais au la zami. A tout cas, moi fais le combat dans la vie. Cause bye, ma vive là, c'est bye, moi qu'on garde dans la vie. Ça dis, pourquoi pas mon nom, mais oui, quitter l'allée. L'amour pas des sacrifices, pourquoi pas mon nom, mais oui, quitter l'allée. Moi pas de problème, tout mon café et rêve. Mais c'est pas tout bagaille, et on m'en a pas encore. Léo a fait tout ça, mon n'a pas rien, mais il peut pas détendre, les qu'elle a pas la voix. Franchement, ça dis,

comme ça même déballer. Oh, oh. Je cherche l'autre côté, c'est femme, ça me met. C'est pas qui me développe, c'est femme, ça me met. Moi, tu sais, l'icône, mon fils, danser, c'est femme, ça me met. Moi, tu sais, pour l'icône, mon fils, chanter. Donc, on a mis comme elle passait, sa belle, qu'il a passé, c'est femme, ça me met. Sa belle, mon fils, gagne ici. Ça me met. Moi, tu sais, sa belle, mon fils, faire l'amour. Femme, ça me met. Moi, tu sais, pour l'icône, va chanter. Tout côté passé, ou pas. C'est un coup de ma vie. moi-même à Kikè. Je navigue, toi t'es monté à bord. 96.2, votre émission Groupe Tropical se termine. Et bien oui, dans quelques instants, encore quelques minutes à passer ensemble. Et avant de terminer cette émission, et bien écoutez, j'avais, je voulais avoir une grande pensée pour le groupe Kassav, qui est de nouveau en deuil aujourd'hui après le décès de son trompettiste Freddy Ozepian à l'âge de 77 ans. C'est pas si beau ça, en tout cas. Il avait commencé avec le groupe Kassav en 1979, il y a tout juste 40 ans, eh bien oui, depuis le début. En tout cas, il est parti rejoindre Patrick Saint-Éloi, César Boussin, etc., etc. Moi, je vous propose de lui rendre hommage tout de suite sur le 96.2. Avec, on va revenir juste un an, il y a un an, tout juste un an, avec Moi Malade. C'était à l'Arena, la Défense, c'était le 11 mai dernier. Très très bonne fin d'après-midi sur le 96.2. Moi je vous retrouve jeudi prochain, 14h, 16h30, même heure, même endroit, avec toujours le plein de soleil. Bye bye. En position tout le monde, en position. Et ça va être beau. Attention. On nous allait. On nous allait, c'est ça. On nous allait, voyez mon dieu. On nous allait, show. On peut pas tirer un coup, je l'ai pour parler parce que c'est mon dernier. Parce que vous nous parlez. Voyez monter. Hey, on nous allait encore. On nous allait encore. Voyez monter. Attention, voyez monter. Attention, mesdames et messieurs. Oh, commencez, sortez. Montez. Couillez. Show. Que j'ai poté bayou, jamais là que j'ai poté bayou. On a y'a qu'à y poté bayou. Oui, dit bayou. Poté bayou. Poté bayou. Poté bayou. Poté bayou. Poté bayou. Résilier, j'ai poté bayou. Jamais là que j'ai poté bayou. On a y'a qu'à y poté bayou. Oui, dit bayou. Poté bayou. Poté bayou. Poté bayou. Poté bayou. Poté bayou. Bayo, 96.2. La FM en couleur.